Yeah. Ici c'est la new school. Street album des matom gros. Ok ok. Et matom prod. Pour tous les vrais, ceux qui savent, ceux qui nous suivent, qui écoutent, qui soutiennent mec. Ok. Yeah. Ici c'est la new school. Dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue. Dans la folie on bascule. Ici c'est la new school. Dans la foule ça se bouscule. Bouge bouge bouge. En cadence on bascule. Ici c'est la new school. Dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue. Et ma tombe et la bannière, le carrosse est un Cayenne, on passera les barrières. T'es mal à tête du Bayern, ça date pas d'hier qu'on a les punch façon Harissa. La date pas la manière, ça vient pas de Paris ça. Par ici ça c'est pas s'arrêter, surtout vos ghetto blaster. Surtout ne parle pas, chut, on compte pas faire. Pas faire comme beaucoup de rappeurs sur les posters. Pas faire un master sans empêcher des grosses termes. Check les MC veulent ressembler à Wesley Snipe. Mais quand ils sont en équipe on leur dit wesh les snipes. Là c'est Snipe, après ça fait son one man show. Moi je pique rap les paranites et v'là le couplet en one one shot. On choque, on est comme d'hab. Et ma tome sur les startups. V'la putain de comeback pour cramer le rap sur un barbuck. Barre-toi, c'est parfait dans les enceintes un barfeu. Parquer les vieux MC à qui on veut mettre des barfeux. Dans les barfonds, c'est la crise miséricorde. Le nom de l'entreprise, mec, c'est Emma Tome Record. On rinove, c'est le 5-9 gêné 88. Ah ouais, on rappe bien, on a du flow, et ben oui. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue, dans la folie on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. Bouge, bouge, bouge. En cadence on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue, dans la folie on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. Bouge, bouge, bouge. En cadence on bascule. Ok, ok. My man, pop touch mec. La touche du pape, mon frère. Écoute. C'est ma tombe sur le mac qui est posté, loin d'être des imposteurs. Ce qu'on aime mec nous c'est gratter et non pas poser pour les posters. C'est faussé. Car aujourd'hui faut dire de la merde ou faussaire. On foncera pas dans le fossé faisant passer le rap pour un faussaire. Des faussaires de faux cul, les faussaires je les vois tu. Ils te sourient puis te saluent derrière toi raye ta voiture. Des faussaires qui s'arrissent mais qui nous rendent plus forts. Alors autour d'eux on s'arrime pour pouvoir redoubler d'efforts. Très fort et ma rythmique, pas de Big Mic et de Big Mac. Car de nos jours Mickey viole mini allongé sur un clic-clac. Les gosses rêvent de Big Mac, leurs darons eux qui bigarrent. Les purs produits de la connerie qui ont un humour plus que bizarre. On avale notre assiette devant le JT de Claire Chazal. Quand Sarko est en direct, j'aime qu'il soit plaqué par sa balle. Des chacals qui croquent la pomme et qui nous laissent le noyau. Dans la crise on veut nous noyer, mais on va mouiller le maillot. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue, dans la folie on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. Bouge, bouge, bouge. En cadence on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule. L'ambiance vous secoue, dans la folie on bascule. Ici c'est la new school, dans la foule ça se bouscule.